Trois voitures vont tout droit. La voiture rouge peut passer? Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture bleue peut démarrer? Oui, réponse C. Non, réponse D.